Chapitre 29. Selon le juge Gaudion, l'ordre avait été rétabli au sanatorium de Brackbury. Empêchée par la tempête, la police n'avait pu s'y rendre qu'en fin de nuit. Elle avait alors prêté main forte aux gardiens et aux directeurs. Pour mettre un terme à la mutinerie, les policiers avaient été contraints de faire usage de leurs armes, tant la situation s'était aggravée. Au petit matin, outre de nombreux blessés, 4 patients parmi les plus agités étaient portés disparus, et l'on déplorait 6 morts, 4 pensionnaires et 2 membres du personnel. Quant aux dégâts matériels, ils étaient considérables. Au dire du magistrat, il faudrait de nombreuses semaines pour tout réparer. « C'est sans doute la tempête qui a déclenché cet épisode terrible, » soupira le juge, affligé. « Certains malades de la division des agités sont particulièrement violents, et il suffit d'un rien pour que leur crise se répande comme une traînée de poudre. » « Comment se porte le docteur McCann ?» le pressa Pierce d'un air inquiet. « Il n'est pas blessé, grâce à Dieu, mais il est un peu secoué, vous imaginez bien. Nous avons fait une demande de renfort à Guernesey qui va nous dépêcher 6 gardiens supplémentaires par le SS Courir de cet après-midi, le temps que le calme soit revenu. En attendant, les semeurs de troubles qui n'ont pas pris la fuite ont été enfermés de force dans les cellules. Malheureusement, l'initiateur de cette violente insurrection qui a été identifiée fait partie des disparus, un certain Phil Sadler, qui était interné depuis une quinzaine d'années. » Une quinzaine ? Je croyais que le sanatorium n'accueillait des patients aliénés que depuis la fin de la guerre, et que la plupart étaient des vétérans. La plupart, oui, mais pas tous. Celui-là est rongé par la démence depuis bien plus longtemps. C'est une figure tristement connue de notre île. Il a d'abord été interné à Jersey vers 1910, dans l'hôpital où travaillait le docteur McCann. Des années plus tard, quand ce dernier a fait agrandir le sanatorium de Brackbury, la famille de M. Sadler a demandé qu'il y fût transféré, afin qu'il soit plus près d'elle. Je vois. Avez-vous lancé des recherches ? Bien sûr. Avec la mer qui nous entoure, les évadés ne peuvent pas être allés bien loin. On a d'ailleurs toutes les raisons de craindre qu'ils aient péri en voulant s'enfuir à la nage. Mais vous, détective, comment vous portez-vous ? J'ai appris vos propres mésaventures pendant la tempête. À part quelques hématomes que vous pouvez voir, je vais plutôt bien. J'ai eu énormément de chance que le capitaine Stout et ses matelots m'aient repéré à la dernière minute et qu'ils soient parvenus à me tirer de là. Sans cela... Quant à M. Murphy, le surintendant portuaire de Kimpton End, je lui dois aussi une fière chandelle. Je vous saurai gré de bien vouloir lui renouveler mes plus sincères remerciements. Ce sera fait. Pour ma part, en accord avec le docteur McCann, je vous demanderai de ne pas ébruiter ce qui s'est passé hier au sanatorium. Nous sommes au tout début de la Blackmore Week et les effets de la panique seraient multipliés par le grand nombre de visiteurs que nous accueillons sur l'île à cette occasion. Nous avons fait le choix de ne parler de tout cela à personne, à part les familles des victimes qui partagent notre avis. Je comprends. La Blackmore Gazette n'ayant plus de journalistes, vous ne risquez pas non plus d'être embêté par la presse. Le titilla gentiment Edward. Je me suis laissé dire que M. Morris, le rédacteur en chef, avait trouvé quelqu'un pour remplacer Mademoiselle Appleton et M. Carteret. J'irai le voir. Ne voulant guère déranger le juge Gaudion trop longtemps dans une journée sans doute déjà bien chargée, le détective prit rapidement congé et se dirigea vers la bibliothèque Glover, qui était à une centaine de mètres seulement. Arrivé sur Arnon Square, plutôt que d'entrer directement dans le bâtiment, l'Anglais décida de profiter un peu du soleil providentiel et alla se poster au beau milieu de la place afin de contempler un instant les 3 édifices remarquables qui délimitaient dans un triangle le centre historique de Blackmore. À droite se dressait le fameux temple maçonnique qu'avait mentionné la veille le docteur McCann. Construit en 1865 par la St. Thomas Lodge of Blackmore, le monument était fort impressionnant. Imitant l'architecture d'un temple romain, son corps oblong en pierre blanche était ceint de colonnes doriques dont le chapiteau était décoré de grenades. Le symbole de la société secrète, équerre et compas entrecroisés, était fièrement gravé sur son fronton, si bien que la nature des lieux ne pouvait être ignorée des passants. À gauche, la chambre de l'île, plus large encore, et tout en briques rouges, s'élevait derrière les statues de 3 lions à l'allure majestueuse assis en arc de cercle. C'était là le siège de l'administration de l'île tout entière. Les 12 membres de l'assemblée de la douzaine s'y réunissaient une fois par mois. Ces murs abritaient également les services locaux, état civil, bureaux électoraux, recensement, trésor public. Les habitants se rendaient donc régulièrement à la chambre, mais ce jour-là, la plupart étant occupés par les festivités de la Blackmore Week, Edward ne vit personne entrer ou sortir. Entre ces deux constructions, enfin, se trouvait la bibliothèque. Inaugurée en 1910 par Walter Glover, père de l'actuel gouverneur, cet édifice de 3 étages, en briques rouges également, était d'une dimension exceptionnelle pour une ville si petite. Bibliophile averti, lettré, l'ancien gouverneur s'était laissé convaincre par l'un de ses administrés, le professeur Donatus van de Cade, d'offrir à Blackmore la plus belle bibliothèque des îles anglo-normandes. Certains mauvais esprits murmuraient qu'en se dotant d'une église, d'une bibliothèque et d'un temple maçonnique plus grand que ceux de Guernesey, les gens d'ici avaient voulu compenser quelques complexes d'infériorité. Quand le gouverneur mourut en 1915, on donna son nom à l'institution. Aujourd'hui, elle était toujours dirigée par le professeur van de Cade, et ce fut dans le bureau de celui-ci qu'Edward Pierce fut conduit quelques minutes plus tard par l'un des employés. Donatus van de Cade, docteur philosophiae, était un octogénaire qui avait conservé une fort belle vigueur. Sa figure fière et sage lui donnait des airs de philosophe grec. Le nez aquilin, le regard étincelant et sous de larges sourcils, les lunettes épaisses de celui qui a passé toute sa vie à lire, le crâne orné d'une couronne de cheveux blancs, la barbe longue et fournie, sa tournure de vieil érudit en somme inspirait la confiance et la déférence. Brillant historien et anthropologue, l'homme avait passé sa vie professionnelle à l'université de Cambridge, où il avait exercé comme enseignant-chercheur. En 1910, après 40 années passées en Angleterre, comme beaucoup d'expatriés, il était revenu sur son île natale afin d'y prendre sa retraite. Mais plutôt que de se reposer ici d'une longue carrière académique, ce serviteur de l'État, érudit et dévoué, avait choisi de prendre avec passion et rigueur la direction de la bibliothèque Glover, dont il était finalement le véritable instigateur. Asseyez-vous, cher monsieur, asseyez-vous. Ah, fichtre, je suis désolé, c'est toujours un peu la pagaille ici. Attendez, poussez donc cette vilaine traduction de Raymondus Lullus et installez-vous dans le fauteuil. Cela ne vous dérange pas de vous asseoir à la place de l'inventeur de l'Ars Generalis Ultima, n'est-ce pas ? Devinant que l'homme était en train de mettre l'érudition de son visiteur à l'épreuve, Pierce répondit fort adroitement par la plaisanterie. « Au contraire, je serai le nouveau pseudo-Lull. »« Ah, encore un !» approuva l'universitaire, visiblement satisfait. Le bureau de Van de Cade était, pour les yeux, un délice d'enchevêtrement livresque. Edward, conquis, avait poussé un soupir d'aise en pénétrant dans cet antre de papier. Les ouvrages anciens, reliés de cuir, s'érigeaient de toutes parts, en piles, faisant, au milieu des boiseries, comme autant de gardes du corps qui eussent protégé le vieil historien des assauts de l'ignorance. Ici et là, entre ces échafaudages périlleux, apparaissaient parchemins, loupes, plumes, statuettes, fétiches, masques, pierres, ornements et autres artefacts étranges qui achevaient de plonger la pièce dans l'atmosphère savoureuse du gai savoir et du mystère. « C'est donc mon très cher frère, le docteur McCann, qui vous envoie ?» demanda Donatus van de Cade en croisant les mains sur son bureau. « Ne prêtez point trop de crédit à ces éloges. L'étendue de mon érudition est moins grande qu'il ne le prétend. Vous savez ce que l'on dit du copinage maçonnique. Allons. » Je suis persuadé que votre savoir comblera aisément ma curiosité. Oserais-je l'avouer ? Il y a 3 jours encore, je connaissais à peine Blackmore. Il aura fallu que mon cher ami le père Molloy m'y fasse venir pour que je répare enfin cette lacune honteuse. Le père Molloy est votre ami ? Je le considère comme mon plus cher complice, oui. Il y a 3 ans, nous avons traversé l'Europe ensemble à bord de l'Orient Express, et ce jusqu'à Constantinople. « Ah, c'est vous ! » s'exclama Van de Cade enjoué. « Mais il fallait le dire plus tôt, mon pauvre Molloy. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. » « Et moi donc ? Sa disparition est d'ailleurs l'objet principal de mon enquête. Vous comprenez mieux à présent pourquoi je me suis permis de demander à votre collègue de me conduire jusqu'à vous au plus vite, quand bien même nous n'avions pas rendez-vous. Je tiens à mener mon investigation le plus prestement possible. » « Vous avez bien fait. Que Dieu vous vienne en aide, détective !» Oh, ce sacré Molloy! Le professeur Van de Kade prit alors un air pensif, avant de lancer « Dans ce cas, venez. Il faut que je vous montre mon bibliotaphe. » Il se leva et invita Pierce à l'imiter. « Vous savez ce qu'est un bibliotaphe ?»« Ma foi, je dois confesser que le terme ne m'est pas familier, » répondit Edward embarrassé. « Et l'étymologie m'évoque un tombeau empli de livres ?»« C'est un peu ça. » L'historien lui adressa un clin d'œil, puis, pointant du doigt la porte, il ajouta à voix basse. « Voudriez-vous bien tirer le verrou afin que nous ne soyons pas dérangés ? Ce que j'ai à vous montrer est hautement confidentiel. » Intrigué, Pierce s'exécuta promptement, puis rejoignit le vieil homme qui, de l'autre côté de la pièce, avait sorti de sous sa chemise une chaîne accrochée à son cou, au bout de laquelle pendait une grosse clé. Après tout un tas de gestes théâtraux, il fit coulisser l'un des panneaux de bois qui recouvrait le mur du fond, laissant apparaître les contours d'une porte dérobée. « Mon petit passage secret. Promettez-vous, monsieur, de ne révéler à personne ce que vous pourrez voir derrière cette porte ?»« J'en fais le serment, professeur. » »« Parfait. » Un bibliotaphe, monsieur Pierce, est un lieu où l'on conserve les livres qu'on ne veut pas offrir à la consultation et que l'on garde jalousement pour soi. C'est la caverne d'Ali Baba des vrais bibliophiles, en quelque sorte. Le père Molloy fait partie des rares personnes à qui j'ai ouvert cette porte, et en l'ouvrant à présent pour vous, j'espère vous témoigner ma reconnaissance et célébrer l'amitié qui nous lie au même homme. Vous m'en voyez très honoré. Balbutia le détective, les yeux brillants d'impatience. L'octogénaire se saisit alors d'une lampe à pétrole, baissa la poignée de la porte et fit signe à son hôte de le suivre dans cette cache des plus énigmatiques. La pièce, sans fenêtre, était plongée dans des ténèbres que seul le halo orangé de la lanterne dispersait sur son passage. Elle ne devait pas dépasser les 12 ou 13 mètres carrés, mais le trésor qu'elle abritait n'avait guère besoin de plus de place. Alors que le vieil homme, le regard espiègle, promenait lentement sa lampe devant les rayonnages, sa collection privée se dévoila peu à peu sous les yeux ébahis d'Edward. Par la grande rareté de ses ouvrages, elle se révéla être l'une des plus exceptionnelles que le détective ait pu admirer de toute sa vie, lui qui pourtant avait visité certaines des plus fameuses bibliothèques d'Europe. « Mon Dieu » murmura-t-il comme pour lui-même. « Quelle splendeur !» Sans oser les toucher, il s'approcha d'une rangée de livres, humant leur délicieux parfum. Puis, il fit lentement un tour complet sur lui-même, devinant dans la pénombre les contours de 700 ou 800 volumes inestimables. « Comment sont-ils classés ?»« Malheureux. Un bibliotaphe, cela ne se classe pas. Ranger les livres, c'est empêcher les idées de communiquer entre elles. En outre, cela prive le chercheur de découvertes fortuites. » « Je vois. Cependant, rassurez-moi, dans la partie publique de votre institution, les livres sont rangés par thème. »« Bien sûr. » Les gens qui viennent à la bibliothèque Glover sont souvent pressés, ils cherchent un titre précis qu'ils ont besoin de trouver aisément, et puis la plupart sont un peu idiots. Mais ici, on n'a pas le droit d'être pressé, ni d'être idiot. Dans un bibliotaphe, on ne vient pas chercher un ouvrage, on vient le rencontrer. Les livres sont comme les hommes, mon ami. Quand on les aime, on ne les parque pas en fonction de leur dénominateur commun, car alors ils s'appauvrissent. On les laisse se mélanger à leur guise, d'où qu'ils viennent, afin qu'ils s'enrichissent de leurs différences. De fait, laissant son regard glisser sur le dos des somptueux volumes, Edward ne put distinguer aucune espèce de classement. Si certains domaines se démarquaient par leur occurrence, histoire, anthropologie, ethnographie, religion, mythologie et philosophie, il se trouvait aussi, çà et là, une quantité non négligeable d'ouvrages consacrés aux sciences occultes et qui, bien sûr, n'échappèrent pas à la vigilance du connaisseur. Peinant à y croire, Pierce repéra des volumes d'une rareté d'autant plus grande que la plupart étaient conservés, sinon dans leur édition originale, au moins dans une édition fort ancienne. Il y avait là, pêle-mêle, le Gayat al-Hakim, fameux traité d'astrologie arabe du Xe ou XIe siècle, le Liber Visionum, écrit à la même époque par le moine Otlo de Saint-Emram, une version anglaise du Codex Gigas, écrit au XIIIe siècle par un religieux anonyme et que d'aucuns surnommaient la Bible du diable, l'une des 5 ou 6 copies originales connues du De Vermis Mysteriis, que Ludwig Prin publia au XVe siècle avant d'être brûlé vif par l'Inquisition. L'édition de 1538 du De Occulta Philosophia de Cornelius Agrippa. Celle de 1471 du Corpus Hermeticum, symboliquement attribué au personnage mythique d'Hermès Trismégiste. L'édition de 1794, en 3 volumes in quarto, de L'origine de tous les cultes ou la religion universelle par Charles-François Dupuis, etc. À chaque pas, Édouard découvrait un nouveau titre plus étonnant encore que le précédent. Émerveillé, il se demanda comment la chose était possible, ne fût-ce que d'un point de vue financier. « Voici le résultat de 60 années d'amour pour le livre rare », expliqua le professeur Van de Cade, comme s'il avait lu dans ses pensées. « J'ai eu la chance de rencontrer de grands collectionneurs au cours de ma carrière, des bibliophiles éclairés que j'ai modestement aidés dans leurs recherches. Certains préférant que leurs livres finissent entre les mains d'un connaisseur plutôt que dans le coffre d'un spéculateur ont eu la bonté immense de me léguer leurs fonds. Je veux croire que mon bibliotaphe fait honneur à leur confiance. Je suis sans voix, professeur. Vous ne pouvez pas imaginer le cadeau que vous faites aux passionnés de sciences occultes qui se tient fébrilement devant vous. Il y a ici des titres que je n'avais jamais vus de mes propres yeux. Tout le plaisir est pour moi. Ce n'est pas tous les jours qu'un amateur érudit visite notre île, et les amis du père Molloy sont mes amis. Tenez, voici justement le livre que cherchait le prêtre et qui m'a incité à lui ouvrir mon bibliotaphe. Ces derniers temps, il était venu emprunter de nombreux livres en bas. Comme il ne trouvait pas son bonheur, j'ai fini par lui ouvrir cette porte pour lui montrer ceci. Édouard s'approcha et se pencha sur le volume que le professeur Van de Cade avait sorti d'un rayonnage. L'historien, d'un geste délicat, ouvrit la couverture pour faire apparaître la page du titre. Aussitôt, le regard du détective se mit à pétiller. L'entour d'ouverture indiquait que l'ouvrage avait été imprimé à Paris en 1754 chez Croulebois, rue des Mathurins. Et le titre était « Extrait du mémoire de l'abbé Georges de Puvenel sur le météore d'Ignès ou la véritable origine des mégalithes de Blackmore ».